Éloignons-nous un peu pour achever notre confidence. Et nous joindrons après nos forces pour venir attaquer la dureté de son humeur. Dichez tout à l'heure! Et qu'on n'implique pas à l'oncle, détale de chez moi, maître Zurifiou, vrai gibier de poton! J'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard, je pense aux corrections qu'il a le diable au corps. Murmure entre tes dents! Mais pourquoi me chassez-vous? C'est bien à toi, Pandard, à me demander des raisons. Sors vite que je ne t'assomme. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sortes! Mon maître, votre fils m'a donné ordre de l'attendre! Mais attends, l'attendre! Dans la rue! Tu ne seras pas dans ma maison planté tout droit comme un piqué, à observer ce qui se passe et faire ton profit de tout, je ne veux point avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires, un traître dont les yeux maudits assiègent toutes mes actions, dévorent ce que je possède et furette de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler. Comment diantre voulez-vous qu'on fasse pour vous voler? Êtes-vous un homme volable quand vous renfermez toutes choses et faites sentinelle jour et nuit? Je peux renfermer ce que bon me semble et faire sentinelle. Comme il me plaît. Voilà pas de mes mouchards qui prennent garde à ce qu'on fait. Je tremble qu'il n'ait soupçonné quelque chose de mon argent. Serais-tu pour un homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Non, comme... Je ne dis pas ça! J'enrage. Moi, je demande si malicieusement tu n'irais pas faire courir le bruit que j'en ai. Et que nous importe que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas, si c'est pour nous la même chose. C'est le raisonneur. Je te barrerai de ce raisonnement-ci. Par les oreilles! Sors d'ici encore une fois! Eh bien, je sors! Attends! Que vous emporterez? Bien ça, que je vois. Montre-moi tes mains. Les voilà. Les autres. Les autres. Les voilà. N'as-tu rien mis ici, dedans? Voyez-vous-même. Des grands hautes choses sont propres à devenir les harceleurs des choses qu'on dérobe. Et je voudrais qu'on en eût fait pendre quelqu'un. À qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint et que j'aurais de joie à le voler. Quoi? Qu'est-ce que tu parles de voler? Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. C'est ce que je veux faire. Peste soit de l'avarice et des avaricieux. Comment que dis-tu? C'est que je dis? Et qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux? Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. De qui veux-tu parler? Des avaricieux. Et qui sont-ils, ces avaricieux? Des vilains. Et des larmes. Mais qu'est-ce que tu entends par là? De quoi vous mettez-vous en peine? Je mets en peine de ce qu'il faut. Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous? Ce que je crois, mais je veux que tu me dises à qui tu parles. Quand tu dis ça... Je parle! Je parle à mon bonnet. Et moi... Je pourrais bien parler... à ta barrette. Empêcherez-vous de maudire les avaricieux? Non, mais je t'empêcherai de jaser! Et d'être insolent. Tais-toi. Je nomme personne. Je referai si tu parles. Qui se sent morveux, qui se mouche. Que diras-tu? Oui. Malgré moi. Tenez, voilà encore une poche. Êtes-vous satisfait? Allons, rends-le-moi sans te fouiller. Mais quoi? Ce que tu m'as pris. Et je vous ai rien pris du tout. Assurément. Assurément. Adieu, va-t'en à tous les diables. Me voilà fort bien compliqué. Sur la conscience, au moins. Voilà un panda de valet qui m'incommode fort. Je ne me plais point, moi. Chien poitelin. Certes. Ce n'est pas une petite peine que de garder chez soi une grande somme d'argent. Et bien heureux qu'il a tout son fait bien placé, il ne conserve seulement que ce qu'il faut pour sa dépense. On n'est pas peu embarrassé à inventer dans toute une maison une cache fidèle. Alors pour moi, les coffres-forts me sont suspects. Je ne veux jamais m'y fier, je les tiens justement. Une franche amorce à voleur. C'est toujours la première chose qu'on va attaquer. Cependant, je ne sais si j'aurais bien fait d'avoir enterré dans mon jardin 10 000 écus qu'on me rendit hier. 10 000 écus en or chez soi est une somme assez au ciel. Je me serais trahi moi-même. La chaleur me remporte. Je crois que j'ai parlé haut, en raisonnant tout seul. Qu'est-ce ? Rien, mon père. Y a-t-il longtemps que vous êtes là ? Nous ne venons que d'arriver. Vous avez entendu. Que quoi, mon là, père ? Quoi ? Ce que je viens de dire. Non. Mais si fait. Pardonnez-moi. Je vois bien que vous en avez oué quelques mots. C'est que je m'entretenais en moi-même de la peine qu'il y a aujourd'hui à trouver de l'argent. Et je disais qu'il est bien heureux qu'il peut avoir 10 000 écus chez soi. Nous feignons à vous aborder de peur de vous interrompre. Je vous permets de vous dire cela afin de n'aller pas prendre les choses de travers. Et vous imaginez que je dise que c'est moi qui ai 10 000 écus. Nous n'entrons point dans vos affaires. Dieu que Jésus, c'est 10 000 écus. Je ne crois pas que... C'est une bonne affaire pour moi. Ce sont des choses... J'en aurais bon besoin. Je pense ça que... Ça m'accommoderait fort. Vous êtes... Je ne me plaindrai pas, comme je fais, que le temps est misérable. Mon Dieu, mon père, vous n'avez pas lieu de vous plaindre. Et l'on sait que vous avez assez de biens. Comment? J'ai assez de biens. Ceux qu'ils disent en ont menti. Il n'y a rien de plus faux. Ce sont des coquins qui font courir tous ces bruits-là. C'est étrange que mes propres enfants me trahissent et viennent mes ennemis. Est-ce être votre ennemi que de dire que vous avez du bien? Oui, le pareil discours et les dépenses que vous faites sont en cause qu'un de ces jours on viendra chez moi couper la gorge dans la pensée que je suis tout cousu de pistoles. Quelle grande dépense est-ce que je fais? Est-il rien de plus scandaleux que ce somptueux équipage que vous promenez par la ville? Je connais d'ailleurs votre sœur, mais c'est encore lui, voilà, qui crie vengeance au ciel. À vous prendre depuis les pieds jusqu'à la tête. Il y aurait là de quoi faire une bonne constitution. Je vous l'ai dit 20 fois, mon fils. Toutes vos manières me déplaisent fort. Vous donnez furieusement dans le marquis. Pour aller ainsi vêtu, il faut bien que vous me dérobiez. Mais comment vous dérobez? Que sais-je? Où pouvez-vous donc prendre de quoi entretenir l'état que vous portez? Moi, mon père, c'est que je joue. Et comme je suis fort heureux, je mets sur moi tout l'argent que je gagne. C'est fort mal fait. Si vous êtes heureux au jeu, vous en devriez profiter et mettre à honnête intérêt l'argent que vous gagnez. Vous devez bien savoir, sans parler du reste, à quoi servent tous ces rubans dont vous voilà lardé depuis les pieds jusqu'à la tête. Et si une demi-douzaine d'aiguillettes ne suffit pas pour attacher à autre chose. Eh bien, c'est ça d'employer de l'argent à des perruques. Lorsqu'on peut porter des cheveux de son cru, qui ne coûte rien. Je vais gager qu'en perruque et ruban, il y a du moins 20 pistoles, et 20 pistoles rapportent par année 18 livres, 6 sols, 8 deniers. Elle n'est placée qu'au denier 12. Vous avez raison. Allez. Laissons cela. Je crois qu'ils se font signe l'un à l'autre. De me voler ma bourse, que veulent dire ces gestes-là? Nous marchons, dont mon frère et moi, qui parlera le premier. Et nous avons tous deux quelque chose à vous dire.

Vous n'avez qu'à parler. Je me suis engagé. Maître Jacques. Donner ce soir à souper. Grande merveille. Et dis-moi un peu, nous feras-tu bonne chère? Ah, oui, si vous me donnez bien de l'argent. Oh, que diable! Toujours de l'argent. Il sent qu'il y a d'autre chose à dire. De l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Ils n'ont que ce mot à la bouche. De l'argent, toujours parler d'argent. Voilà le répit de chevet. De l'argent! Je n'ai jamais vu de réponse plus impertinente que celle-ci. Voilà une belle merveille que de faire bonne chère avec bien de l'argent. C'est une chose la plus aisée du monde. Il n'y a si pauvre esprit qui n'en fit bien autant, mais. Mais pour agir en habile homme, il faut parler de faire bonne chère avec peu d'argent. Bonne chère avec peu d'argent. Oui. Par ma foi, monsieur l'intendant, vous nous obligerez de nous faire voir ce secret et de prendre mon office de cuisinier. Aussi bien vous mêlez-vous séant d'être le factotum. Taisez-vous ! Qu'est-ce qu'il nous faudra ? Voilà, monsieur votre intendant qui vous fera bonne chère pour peu d'argent. Vite, ma blonde. Combien serez-vous de gens à table? Nous sommes 8. Ou 10. Non, il faut prendre que 8 quand il y a à manger. Pour 8, il y en a bien pour 10. Cela s'entend. Eh bien, il vous faudra 4 grands potages, bien garnis, et 5 assiettes d'entrée. Potage bisque, potage de santé, potage de canard, au navet, potage de perdrix, au chou vert, en entrée, fricassé de poulet, tourte de pigeonneau, riz de veau, boudin blanc, morue, dans les plumes, en pyramide, une grande longe de veau de rivière, trois poulards de grâce, si la peau de garenne. Est-ce que vous avez envie de faire crever tout le monde? Une douzaine de perdrix. Monsieur a-t-il invité des gens pour les assassiner, force de mangeaille? Allez-vous en lire un peu les préceptes de la santé et demander au médecin s'il n'y a rien de plus préjudiciable à l'homme que de manger avec excès. Il a raison! Apprenez, maître Jacques, vous et vos pareils, que c'est un coupe-gorge qu'une table remplie de trop de viande, que pour se bien montrer ami de ceux que l'on invite, il faut que la frugalité règne dans les repas qu'on donne et que, selon le dire d'un ancien, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Oh, oh que cela est bien dit. Oui, approche que je t'embrasse pour ce mot. Voilà la plus belle sentence que j'ai entendue de ma vie. Il faut vivre pour manger. Et non, pas. Ah non, non, c'est pas ça. Comment est-ce que tu dis? Qu'il faut manger pour vivre. Ah oui, ah oui. Et non pas vivre pour manger. Entends-tu? Quel est le grand homme qui a dit ça? Je ne me souviens pas maintenant de son nom. Souviens-toi de m'écrire ces mots, je les veux faire graver en lettres d'or sur la cheminée de ma salle. Je n'y manquerai pas. Et pour votre souper, vous n'avez qu'à me laisser faire, je réglerai tout comme il faut. Oui, on fait donc. Tant mieux, j'en aurai moins de peine. Il faudra de ces choses dont on ne mange guère. Qui rassasie d'abord. Quelques bons haricots, bien gras. Avec quelques pâtés en peau, bien garnis, hein, de marron, là, que ça foisonne. Reposez-vous sur moi. Et maintenant, Maître Jacques.

Et si je ne m'y vois forcée par une puissance absolue, je vous donne ma parole que je ne consentirai point au mariage qui vous chagrine. Elle a raison. Un sot compliment est faux. Une réponse de même. Je vous demande pardon, ma belle, de l'impertinence de mon fils, un jeune sot qui ne sait pas encore la conséquence des paroles qu'il dit. Je vous promets que ce qu'il m'a dit ne m'a point du tout offensée. Au contraire, il m'a fait plaisir de m'expliquer ainsi ses véritables sentiments. J'aime de lui un aveu de la sorte. Et s'il avait parlé d'autre façon, je l'en estimerais bien moins. C'est beaucoup de bonté à vous de vouloir ainsi excuser ses fautes. Le temps le rendra plus sage. Et vous verrez qu'il changera de sentiment. Non ! Mon père, je ne suis pas capable d'en changer. Je prie instamment, madame, de le croire. Vous voyez que l'extravagance y continue encore plus fort. Mais vous jetterez avec mon cœur. Avez-vous envie de changer de discours ? Ah, eh bien ! Puisque vous voulez que je parle d'autre façon, souffrez, madame, que je me mette ici à la place de mon père. Que je vous avoue que je n'ai rien vu dans le monde de si charmant que vous, que je ne conçois rien d'égal au bonheur de vous plaire, que le titre de votre époux est une gloire, une félicité que je préférerais aux destinées des plus grands princes de la terre. Oui, madame, le bonheur de vous posséder est à mes regards la plus belle de toutes les fortunes. C'est où j'attache toute mon ambition. Il n'y a rien que je ne sois capable de faire pour obtenir une conquête si précieuse. Et les obstacles les plus puissants... Non, mon fils, s'il vous plaît. C'est un compliment que je fais pour vous, à madame. Mon Dieu, c'est une langue pour m'expliquer moi-même. Je n'ai pas besoin d'un procureur comme vous. Allô ? Non ! Il vaut mieux que de ce pas nous allions à la foire, afin de revenir bientôt et d'avoir tout le temps ensuite de nous entretenir. Mettez donc les chevaux au carrosse. Oh, je vous prie de m'excuser, ma belle, si je n'ai pas songé à vous donner un peu de collation avant que de partir. J'y ai pourvu mon père et j'ai fait apporter ici quelques bassins d'oranges de la Chine, d'un citron doux et de confiture que j'ai envoyé quérir de votre part. Valère. Il a perdu le sens. Trouvez-vous que ce ne soit pas assez, madame, en la bonté d'excuser cela, s'il lui plaît? C'est une chose qui n'était pas nécessaire. Avez-vous jamais vu, madame, un diamant plus vif que celui que vous voyez que mon père a au doigt? C'est vrai qu'il brille beaucoup. Il faut que vous le voyez de près. Il est fort beau, sans doute, et jette quantité de feu. Nenny, madame, il est en de trop belles mains. C'est un présent que mon père vous fait. N'est-il pas vraiment père que vous voulez que madame le garde pour l'amour de vous? Comment? Belle demande, il me fait signe de vous le faire accepter. Je ne veux pas. Vous moquez-vous, il a garde de le reprendre. Ce serait... Non, vous dites, c'est l'offensé. De grâce. Point du tout. Le voilà qui se scandalise de votre refus. Vous voyez qu'il se désespère. Mon père, ce n'est pas ma faute, je fais ce que je puis pour l'obliger à la garder, mais elle est obstinée. Vous êtes cause, madame, que mon père me querelle. Vous devrez tomber malade, de grâce, ne résistez point davantage. Mon Dieu, que de façon, gardez la bague. Puisque monsieur... le vœu. Pour ne vous point mettre en colère, je la garde maintenant. Mais je prendrai un autre temps pour vous la rendre. Monsieur ! Monsieur ! Monsieur, il y a là un homme qui veut vous parler. Dis-lui que je suis empêché et qu'il revienne une autre fois. Il dit qu'il vous apporte de l'argent. Je vous demande pardon, monsieur. Je reviens tout à l'heure. Monsieur ! Je suis mort. Qu'est-ce, mon père ? Vous êtes-vous fait mal ? Peut-être, assurément. J'ai reçu de l'argent de mes débiteurs pour me faire rompre le cou. Ça ne sera rien. Non, monsieur, je vous demande pardon. Je croyais bien faire d'accourir vite. Que viens-tu faire ici, bourreau ? Vous dire que vos deux chevaux sont déférés. Ben, qu'on les mène promptement chez le maréchal. En attendant qu'ils soient ferrés, je vais faire pour vous, mon père, les honneurs de votre logis et conduire madame dans le jardin, où je ferai porter la collation. Valère, mets un peu l'œil à tout cela et prends soin, s'il te plaît, de m'en sauver le plus que tu pourras pour le renvoyer au marchand. C'est assez. Ah, fils impertinent, as-tu envie de me ruiner? Il n'y a plus autour de nous personne de suspect. Nous pouvons parler librement.

Mais, charmante Marianne, commençons, je vous prie, par gagner votre mère. C'est toujours beaucoup faire que de rompre ce mariage. Faites-y de votre part, je vous en conjure, tous les efforts qu'il vous sera possible. Déployez sans réserve les grâces éloquentes, les charmes tout-puissants que le ciel a placés dans vos yeux, dans votre bouche. N'oubliez rien, s'il vous plaît, de ces douces prières, de ces tendres paroles, à qui je suis persuadée qu'on ne saurait rien refuser. J'y ferai tout ce que je puis. Et n'oublierai aucune chose. Fils baise la main de sa prétendue belle-mère. Et sa prétendue belle-mère ne s'en défend pas fort. Y aurait-il quelque mystère là-dessous? Voilà mon père! Carrosse est tout prêt, vous pouvez partir quand il vous plaira. Puisque vous n'y allez pas, mon père, je m'en vais les conduire. Non, demeurez. Elles iront bien toutes seules. Et j'ai besoin de vous. Ça, intérêt de belle-mère à part, que te semble à toi de cette personne? Ce qui m'en semble? Ah oui, de son air, de sa taille, sa beauté, son esprit. Là. Non, mais encore. À vous en parler franchement, mon père, je ne l'ai pas trouvé ici ce que je l'avais cru. Son air est de franche coquette. Sa taille est assez gauche, sa beauté est très médiocre, et son esprit des plus communs. Ne croyez pas que ce soit mon père pour vous en dégoûter, car belle-mère pour belle-mère, j'aime autant celle-là qu'une autre. Tu lui disais tantôt, pourtant. Je lui ai dit quelques douceurs en votre nom. C'était pour vous plaire. Tu viens donc que tu n'aurais pas d'inclination pour elle? Moi? Pas du tout. Ah, j'en suis fâché. Car ça rend une pensée qui m'était venue dans l'esprit. J'ai fait en la voyant ici réflexion sur mon âge. Et je songeais qu'on pourra trouver hardir de me voir marier à une si jeune personne. Cette considération m'en faisait quitter le dessin. Comme je l'ai fait demander que je pourrais l'engager de parole, je te l'aurais donné. Sans l'aversion que tu témoignes. À moi? Et à toi? En mariage? Et leur mariage. Écoutez, mon père. Il est vrai, elle n'est pas fort à mon goût. Mais pour vous faire plaisir, je me résoudrai à l'épouser, si vous voulez. Moi, non, je suis plus raisonnable que tu ne penses. Je ne veux pas forcer ton inclination. Pardonnez-moi. Je me ferai cet effort pour l'amour de vous. Non, non. Non, un mariage ne saurait être heureux où l'inclination n'est pas. C'est une chose qui peut-être viendra ensuite, et l'on dit que l'amour est souvent un fruit du mariage. Non. Du côté de l'homme, on ne doit point risquer l'affaire. Ce sont des suites fâcheuses. Je n'ai garde de me commettre, non. Si tu avais senti quelque inclination pour elle, à la bonne heure, je l'aurais fait épouser au lieu de moi, mais cela n'étant pas. Je suivrai mon premier dessein. Et je l'épouserai moi-même. Eh bien, mon père, puisque les choses sont ainsi, il faut vous découvrir mon cœur. Il faut vous révéler notre secret. La vérité est que je l'aime. Depuis un jour que je la vis dans une promenade, mon dessein était tantôt de vous la demander pour femme. Et rien ne m'a retenu que la déclaration de vos sentiments, la crainte de vous déplaire. Et avez-vous rendu visite? Oui, mon père. Beaucoup de fois? Assez pour le temps qu'il y a. Vous a-t-on bien reçu? Fort bien. Mais, sans savoir qui j'étais, c'est ce qui a fait tantôt la surprise de Marianne. Ah. Avez-vous déclaré votre passion et le dessein que vous étiez de l'épouser? Sans doute. Même, j'en avais fait à sa mère quelque peu d'ouverture. A-t-elle écouté pour sa fille votre proposition? Fort civilement. Et la fille, correspond-elle fort à votre amour? Si j'en dois croire les apparences, je me persuade, mon père, qu'elle a quelque bonté pour moi. Je suis bien aise d'avoir apprêté le secret. Voilà justement ce que je demandais. Monsieur, mon fils, savez-vous ce qu'il y a? C'est qu'il faut songer, s'il vous plaît, à vous défaire de votre amour, à cesser toutes vos poursuites auprès d'une personne que je prétends pour moi, et à vous marier tant peu avec celle qu'on vous destine. Ouais! Mon père, c'est ainsi que vous me jouez! Eh bien, puisque les choses en sont venues là, je vous déclare, moi, que je ne quitterai point la passion que j'ai pour Marianne, qu'il n'y a point d'extrémité où je ne m'abandonne pour vous disputer sa conquête, que si vous avez trouvé le consentement d'une mère, j'aurai d'autres secours, peut-être, qui combattront pour moi. Comment, pendeur, tu as l'audace d'aller sur mes brisées? C'est vous qui allez sur les miennes. Je suis le premier en date. Ne suis-je pas ton père? Et ne me dois-tu pas respect? Ce ne sont pas ici des choses où les enfants soient obligés de déférer au père. L'amour ne connaît personne. Très bien me connaître. Avec le bon coup de bâton. Tout vous menace de prendre rien. Je renoncera à Marianne. Quoi du tout? Le bâton tout à l'heure. Mais monsieur, que je suis un poisson de géo. Je me moque de cela. Monsieur, doucement. Me parler avec cet impudent. Oh, monsieur de grâce. Je n'en demanderai point. À quoi, à votre père? Laisse-moi faire. À quoi, à votre fils? Encore, passe pour moi. Je te veux faire toi-même, maître Jacques, juge de cette affaire, pour montrer comme j'ai raison. J'y consens. Éloignez-vous un peu. J'aime une fille que je veux épouser. Et le panda! À l'insolence de l'aimer avec moi et d'y prétendre, malgré mes ordres. Ah, il a tort.

Je dis que je suis trop content de vous. Je trouve toute chose dans la bonté que vous avez de m'accorder Marianne. Qu'est-ce qui parle de t'accorder Marianne? Vous, mon père. Moi? Sans doute. Non, comment? Hein? C'est toi qui as promis d'y renoncer. Moi? Y renoncer? Oui. Pas du tout. Tu ne t'es pas départi d'y prétendre? Au contraire! J'y suis porté plus que jamais! Quoi? Pandard! De rechef! Rien ne peut me changer! Laisse-moi faire, traître! Faites ce qui vous plaira! Je te défends de ne jamais voir! À la bonne heure! Je t'abandonne! Abandonné! Je te renonce pour mon fils! Soit! Je te déshérite! Tout ce que vous voudrez! Et je te donne ma malédiction! Je n'ai que faire de vos dons! Monsieur, que je vous trouve à propos, suivez-moi, vite! Qu'y a-t-il? Suivez-moi, vous dis-je, nous sommes bien! Comment? Voici votre affaire! Quoi? J'ai tenu ceci tout le jour! Qu'est-ce que c'est? Le trésor de votre affaire que j'ai attrapé! Comment as-tu fait? Perdu. Je suis assassiné, on m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. Qui peut-ce être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? N'est-il point là? Ou courir ou ne pas courir? N'est-il point ici? Qui est-ce? Rends-moi mon argent! C'est moi. Mon esprit est troublé. Et j'ignore où je suis, qui je suis, et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi sans toi. Je n'ai plus que faire au monde. Il m'est impossible de vivre. En effet, j'en puis plus. Je meurs. Je suis mort. Je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent? Ou en m'apprenant qu'il a pris, hein? Que dites-vous?

Seigneur Harpagon, vous jugez bien que le choix d'une jeune personne tombera sur le fils plutôt que sur le père. Alors, ne vous faites point dire ce qu'il n'est pas nécessaire d'entendre. Et consentez, ainsi que moi, à ce double hyménée. Il faut pour me donner conseil que je voie ma cassette. Vous la verrez saine et entière. Je n'ai pas d'argent à donner en mariage à mes enfants. Eh bien, j'en ai pour eux, que cela ne vous inquiète point. Vous obligerez-vous à faire tous les frais de ces deux mariages? Oui, je m'y oblige. Êtes-vous satisfait? Oui, oui, pourvu que pour les noces, vous me fassiez faire un habit. D'accord. Allons jouir de l'allégresse que ces heureux jours nous présentent. Hola, messieurs, hola. Tout doucement, s'il vous plaît. Qui me paiera mes écritures? Nous n'avons que faire de vos écritures, monsieur. Oui, mais je ne prétends pas, moi, les avoir faites pour rien. Pour votre paiement, voilà un homme que je vous donne à prendre. Comment faut-il donc faire? On me donne des coups de bâton pour dire vrai, et l'on me veut pendre pour mentir. Seigneur Harpagon, il faut lui pardonner cette imposture. Vous paierez donc, commissaire. Soit. Allons vite faire part de notre joie à votre maître. Et moi, voir ma chère cassette.